Fly Case, le classement des 20 titres les plus représentatifs de ta radio. Chaque samedi, 7h, retrouve Olivier Curtis et les 20 titres incontournables de la semaine. Fly Case. Les 20 titres qui te font bouger. 2 heures de classement, des news. Fly Case, c'est un concentré de galaxies en 2 heures. Pour ne rien rater du prochain Fly Case, calme-toi Galaxy ce samedi à 16h. Le Fly Case avec Olivier Curtis te distille l'essence de ta radio. Fly Case. Eh ben ça y est, Fly Case, c'est reparti pour une nouvelle saison. Saison 7 à 007 comme James Bond. C'est reparti pour une nouvelle saison. Nouvelle horaire également de 16h à 18h désormais tous les samedis. Avec un nouveau classement cette semaine, évidemment, il y aura pas mal de nouveautés, mais il y aura également des anciens titres qui étaient déjà présents dans le classement la saison dernière, des titres qui ont cartonné cet été. Et on aura l'occasion de vous en reparler évidemment tout à l'heure. En attendant, on va démarrer directement avec la 20e position. Numéro 20. Allez, on y va, 20e position, c'est Breaks Up, I Hate This Thing, c'est le remix de Joris Van. C'est pointé numéro 20 cette semaine. I had this thing to call my own. Just one slip and it was gone. A minor flaw and then it fell. I brought this house down on myself. I didn't know just what I'd done. I didn't know just what I'd done. I don't remember anymore what I used to be. Where is the quiet piece of home where I could breathe? Just like a razor to my soul when I'm alone. Oh, I had this thing to call my own. I'm so confused, I cannot see. This wave of guilt is drowning me. It feels like blood is on my hands. I give it all for a second chance. I still don't know just what I've done. I don't remember anymore what I used to be. There was a fire burning strong inside of me. Just like the soothing love and warmth, the summer sun. Oh, I had this thing to call my own. I had this thing to call my own. I numéro 19. We'll be right back. Flakez et les 20 titres incontournables tous les samedis, 14, 16 heures, 18 heures, nouvelle horaire, il faudra s'adapter hein, évidemment. 20e, Rakes Up avec I Hate This Thing, numéro 19, Dorly avec Sting, et numéro 18, Ten Walls avec Sparta. Et puis je vous rappelle, c'est le grand week-end de la braderie, on vous en parle tout de suite. Tout au long du week-end, sur Galaxy, on vous informe sur où trouver le son électronique et la Team Galaxy sur cette braderie 2015. Chris Collins de la Team Galaxy sera en guest, ça se passe ce samedi et dimanche sur la terrasse avec du son à l'extérieur du Privilège, c'est 2 rue Royale à Lille avec également la participation des DJ Eclept et Ludo. Nico de Refresh sera face au Cambridge à l'extérieur en terrasse avec du bon son à la Refresh, vous pouvez pas le rater, ça se passe boulevard Carnot, donc face au Cambridge avec un grand Calico Galaxy en arrivant, c'est immanquable. On reste boulevard Carnot avec Hugues, Don Like Session et un son de système de fou furieux, ça se passe face au Gourmandin. La Team Galaxy également au programme de Hit My Beat, ça se passe le samedi et le dimanche, c'est 52 rue de Paris en face du magasin Oxybule avec à boire, à manger et à danser, food truck, bar à huîtres, crêpes et des DJ à gogo avec des DJ de la team, John Sparks, Arnaud, Wesley, mais aussi une multitude de DJ, Minro, Géraldine, Pompon, Somax, 6PO et plein d'autres, j'en passe et des meilleurs. Farai de Radio Max sera sur plusieurs événements avec pour commencer un vinyle market et des DJ, ça se passe au Red Bull Boom Bus, c'est situé au Quai du Vau et c'est le samedi, après-midi et soirée et également le dimanche jusqu'à 18h. Farai encore, ce samedi c'est le Welcome to My Flat, ça se passe en plein air, c'est de 16h à 2h du mat et c'est rue du Curé Saint-Etienne, c'est à côté de Notre-Dame de la Treille. Farai encore et toujours, là c'est au Moog Analog Bar avec la Moog Team, c'est outdoor et indoor, ça se passe ce samedi de 16h à 3h du matin avec en même temps une braderie vinyle en collaboration avec Collector Boutique. Le Moog Analog Bar c'est 21 rue du Faisan à Lille. Et enfin retrouvez Wesley, là encore accompagné de Farai mais également d'Alexandre Dorbot, c'est seulement ce samedi soir à partir de 20h et ça se passe au fût et à mesure, c'est 5 rue du Faisan à Lille. Plus d'infos et plein d'autres choses, www.galaxyfm.com. Bonne braderie 2015. Galaxy. Olivier Curtis. Voilà, j'espère que tout est noté en tous les cas. La grande braderie, c'est tout ce week-end. On vous en parlera un petit peu des gros chiffres de cette braderie tout à l'heure. Et évidemment, tout de suite, voici une proposition d'entrée pour la semaine prochaine. Il s'appelle Oliver Dollar avec Chuck Daniels. Ça s'appelle Shout Away. Bon après-midi. indispensable avec Olivier Curtis sur Galaxy numéro 17. Oh, shit. I'm tired of giving my love and getting nowhere, nowhere. What I need is somebody who really cares. I really need a lover, a lover who wants to be there. It's been so long since I touched a wanted hand. I can't put my love on the line, and I hope that you understand. So baby, if you want me, you got to show me love. Words are so easy to say, but you got to show me love. I'm tired of giving my love and getting nowhere, nowhere. What I need is somebody who really cares. I really need a lover who wants to be there. It's been so long since I touched a wanted hand. Can't put my love on the line, and I hope that you understand. So baby, if you want me, you got to show me love. Words are so easy to say, but you got to show me love. Et les 20 titres incontournables tous les samedis entre 16h et 18h, Nouvelle-Orléans. C'était la position numéro 17, Jedi Billy avec Nine Close, et à l'instant numéro 16, la reprise Robin S avec Show Me Love, c'était Clang Spiller. Je vous rappelle également que c'est à vous de voter sur Facebook. Vous allez sur la page Flykaze et vous nous laissez toutes vos propositions. On écoute tout et puis on totalisera tout évidemment pour la semaine prochaine. 16h31, très très bon après-midi. Ah oui, petit direct de la braderie également. On vient de me dire que les ventes de parapluies explosent là actuellement. Non, mais en tout cas, si vous êtes occupé de nous écouter la braderie, on vous souhaite une bonne braderie. Et puis attention, il n'y a pas que ça, parce que sur Galaxy, il y a plein de mix également tout à l'heure. Tous les jours, dès 20h sur Galaxy, et encore plus le week-end, la musique électronique s'exprime en toute liberté. Émissions thématiques et DJs rythment les nuits des tribus électroniques. Ce soir sur Galaxy, ah bah oui, c'est la rentrée, puis des nouveaux rendez-vous également sur Galaxy à partir de 20h. C'est Nico que vous allez retrouver à partir de 20h. 21h, Franck Lido, 22h, Digitom, 23h, Marty, à minuit, Storm, à 1h, Digigus, à 2h, Mark Lower, à 3h, Seth Santos, et à 4h du mat jusqu'à 5h, c'est Pierre-Théry que vous allez retrouver. Donc ce sont des rendez-vous à ne pas manquer, évidemment. Tout de suite, on se fait une petite proposition d'entrée pour la semaine prochaine, et puis c'est très originel, on adore ça, vous l'aimez également. Le groupe s'appelle Sis, Sambra India et Eduardo Castillo. C'est ce que l'on vous propose maintenant, proposition d'entrée pour la semaine prochaine. Se cuente, pinto que está volviendo en tu desbocado. numéro 14. Flakens et les 20 titres incontournables tous les samedis. Nouvel horaire entre 16h et 18h. Rendez-vous que vous retrouverez pour cette saison numéro 7. Eh oui, comme tous les samedis. Nouveau numéro 1 également cette semaine, mais qui sera numéro 1? Réponse tout à l'heure aux alentours des 18h. En attendant, c'était la 15e position avec Groove Armada. Groove Armada avec Paris, le remix de Andy, 14e collective Turn Stress avec Sorry I'm Late. Et pointé numéro 13, Pop Off et Myth Skitting avec Always in My Mind. Tout de suite, proposition d'entrée pour la semaine prochaine, la reprise d'Anitatica. All cuts to the knee, traveling shoes, drive your problems from here. All good people read good books, now your conscience is clear. I hear you talk, girl, now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the eyes away, so wild, I never do what you say. I'll never hear you, I'll never do what you say. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twisting my sobriety. More than twisting my sobriety. For all the fun that people had at night, late at night, don't need austerity. Timid smile and pose too free. I don't care about the different thoughts. Different thoughts are good for me. I'm bed on some cheese and wool. All good children to be told. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twisting my sobriety. More than twisting my sobriety. Time to risk a life, a life, a life. Sweet and handsome, soft and bulky. Your big IT, you've seen the light. Big IT, you've seen the light. Look, my eyes are just holograms. Look, your love is drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twisting my sobriety. More than twisting my sobriety. You caused the rain, I bought your pain. Calls the rain, I fall to pain, but you're the only one that can gone like a minute. Choose any place, erase from the faces you show. Feel the rush, feel the rush, feel the rush. Oh, can you feel the rush, feel the rush, feel the rush? It's et les 20 titres incontournables tous les samedis 16h, 18h, numéro 12 c'était Listen Be avec Save Me et pointé numéro 11 à l'instant All, un titre qui était bien classé également les saisons dernières avec Freedom Fry, ça s'appelle Racers numéro 11, bienvenue, il est 17h. Numéro 20. Allez, on y va. Si vous avez manqué la première heure de ce Flycase, et bien voici le récapitulatif pointé numéro 20, Rakes Up, I Hate This Thing, le remix de Joris Vorn. I still don't know just what I've done. Numéro 19. Numéro 19, Dorly avec Zeng. Numéro 18. Les Ten Walls pointés, numéro 18 avec Sparta. Numéro 17. Petite découverte sur Galaxy également, pointé numéro 17, Jelly Billy, titre que vous avez entendu tout cet été sur Galaxy Nine Close. Numéro 16. Clown Spiller, ça fait vachement allemand ce comme titre. Show Me Love, la reprise de Robin S, pointé numéro 16. Numéro 15. Paris, c'est le titre de Groove Armada, c'est le nouveau single, c'est le remix de Andy, pointé numéro 15. Le collectif Town Stress, on allait dire métissé, c'est autre chose, c'est un autre domaine, Sorry I'm Late, pointé numéro 14. Numéro 13. Numéro 13, Pop-Off, chaque titre qu'il sort est un tube. D'ailleurs le nouveau on le proposera tout à l'heure, peut-être si on a le temps. Miss Keating l'accompagne, Always in My Mind, numéro 13. Le soleil, les parasols, la mer, les zombies, le son de l'été avec 7000 points, et numéro 12. Numéro 11. Et enfin numéro 11, on dégaine avec Owl, Freedom Fry, Racer, c'est le titre numéro 11. Numéro 10. Alors je vous rappelle également que c'est le premier classement de la saison, saison numéro 7. Donc on a fait un classement fictif d'après les votes côté standard, d'après les titres les plus demandés au standard. Et c'est à vous de les faire évoluer évidemment sur la page Facebook Flycase. Numéro 10, voici Bacon avec Faultline, Dose Rubik's Narik Rework. Thank you. Take. Titre incontournable tous les samedis entre 16h et 18h, nouvelle horaire, on vous le répétera jamais assez évidemment, avec cette semaine pointée numéro 10, Beacon, et le titre Phone Line, pointé numéro 9, Crank Brother avec When You're Watching Me, et pointé numéro 8, on adore ce titre-là, peut-être un futur numéro 1, qui sait, en tous les cas, c'est à vous de voter, Claude Van Strock, et le titre Make a Cake. Tiens, on vous parlait de la Brasserie de Lille, ben, c'est ce week-end, c'est un gros événement évidemment, on vient de toute la France, de la Belgique, on vient d'un petit peu partout pour cette brasserie. J'ai relevé quelques petits chiffres sur internet, tiens, 2,5 millions de visiteurs, c'est ce qu'il y a eu l'année passée. 100 km d'étal, également 10 000 exposants, également 4 000 emplacements. Et évidemment, la Brasserie de Lille, c'est les moules et les frites. Hein. 500 tonnes de moules et 30 tonnes de frites. Ils aiment les moules avec des frites et baguettes. Le reste, on passe. Gros événement. Hein. C'est l'hymne. L'hymne de la Brasserie. Avec des frites et baguettes. Oh d'accord, on arrête de rigoler tout de suite. Et puis, beaucoup moins de l'amour. Par contre, 400 tonnes de déchets qui vont traîner dès lundi sur les trottoirs. Donc, ce sera à débarrasser, évidemment, 400 tonnes. C'est énorme. Profitez de cette braderie en tous les cas. Prenez votre parapluie. Et puis également, 100 km létal. Des bonnes chaussures. Hein. Tout de suite, voici une proposition d'entrée pour la semaine prochaine. Il s'appelle DJ Ganiani. C'est une petite découverte au Galaxy. C'est une proposition d'entrée également pour la semaine prochaine. Ça s'appelle Better Days. Shining on me, my star is shining around. My sweetest woman, my pool, my everything. But I just

numéro 5. distillé dans les oreilles durant tout cet été. C'était une nouveauté également il y a quelques semaines. Hein. Tertu, je ne sais pas comment on prononce finalement, mais c'est pas grave. Ça s'appelle Inspector North, pointé numéro 4. On adore ça, numéro 5, Purple Disco Machine avec Magic. C'est ce qu'on vous proposait juste avant. Tout de suite, proposition d'entrée, tiens, sur Galaxy pour ce classement nouvelle saison, saison 7. Voici I Have Tribe, Yellow Raincoats. C'est un remix de Frank Wildman et puis on adore ça également. C'était vous de voter Facebook, Flakies. Et puis je vous rappelle également la fréquence de Galaxy si vous nous écoutez sur la braderie de Lille. Si vous nous découvrez, c'est le 95-30. Et vous pouvez nous écouter également partout dans le monde sur galaxyfm.com avec les titres en plus qui sont diffusés depuis quelques semaines. C'est magique. 17h44, bon après-midi. Listening. Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then the promise was losing control, crazy night, intense. Living my own life, dying out of my health, been wasting too much time, trying to leave you far behind. Of me when you struck her, does she know you were supposed to love me till you die? Almost kill me. Flycase numéro 2 cette semaine, c'était Enzo Cipredi avec Sometimes. Flycase, égal Flycase numéro 10. Allez, on y va bosser le récapitulatif des 10 premiers, les 10 meilleurs pour cette semaine. C'est à vous de voter Facebook Flycase pour tout changer, pour tout modifier. Bacon numéro 10 avec Faultline. Numéro 9, Crank Brother avec When You're Watching Me, petite découverte Galaxy numéro 9. Huitième position cette semaine, Claude Von Strock avec Make a Cake. Avec l'accent, parce que sinon en français ça donne autre chose. Numéro 7. Et ça fait rire le mettre où quand on raconte des conneries à la radio, c'est comme ça. Numéro 7, Timothy Milton avec My Love. Numéro 6, Teenage Mutants avec Barbès. Numéro 5, pointé numéro 5, les Purple Disco Machine qui reviennent avec un nouveau titre, Magic. Numéro 4, c'est l'inspecteur Norse. C'est pointé numéro 4, Todd Terch. Je sais pas comment on prononce d'ailleurs le matou. Comment tu dis ça? Todd Terch. D'accord. On est au courant maintenant. Numéro 3, Feeder and Liz avec un tube de cet été. C'est Goodbye numéro 3. Numéro 2. Et enfin, pointé numéro 2, on vient de se l'écouter à l'instant, Enzo Cipredi avec Sometimes. Galaxy Flycase. Flycase. Numéro 1. Numéro 1. Numéro 1. C'est le numéro 1 pour ce premier classement de la saison, Technesia et Green Velvet avec Sugar. We'll be right back. Dans le Flycase, c'était Technasia et Green Velvet avec Sugar. Sera-t-il encore question la semaine prochaine? C'était à vous de voter sur Facebook Flycase. Flycase. Bon, voilà, Flycase, c'est terminé. Prochain rendez-vous la semaine prochaine, nouvelle horaire. Je vous rappelle, donc entre 16h et 18h, dans un instant, c'est Matt Le Batou que vous allez retrouver. Il revient de la Bredaille Lille, il nous a ramené les pépites d'or. Est-ce qu'on aura droit à Freddy James, Galopette Bouillie? Pas encore, bon, on verra tout à l'heure alors. Il est 18h, bienvenue.